de cuillère en argent dans ma bouche à ma naissance. Tu vois, comme dirait McDonald's, ça se passe comme ça. 1992, avec mes potes on cherche l'oseille. Le fric me pousse, matraque, la police veille. Direction Auchan, Fontenay, taxe et des bouteilles. Car le week-end approche, et mon pote, les soirées ça se paye. L'oseille en poche, dernier ouinge de sense. Je raye dans les soirées les meufs, matériel à deux pence. Au petit matin le froid me baise, c'est pas tranquille. Pas de métro avant 6h, mais y'a la Batmobile. Batmobile, Batman, sans clé, sans papier. J'espère que la vagoune nous emporte en entier au quartier. 18 ans à peine, tu kiffes ton BM cab, c'est clair. Profite de l'argent tombé du ciel, de ton père, ta mère. Tu es né avec la cuillère, en argent dans la bouche. Finalement on crève pareil, et peu importe la souche. Respecte les gars qui se démerdaient avec malice. Même si je devais tomber, tu vois, tant pis ça glisse. C'était le bon vieux temps, tu vois, avec malice. J'esquive les pièges, telle une araignée, ma toile je tisse. Respecte les gars qui se démerdaient avec malice. Même si je devais tomber, tu vois, tant pis ça glisse. C'était le bon vieux temps, tu vois, avec malice. J'esquive les pièges, j'étais une araignée, ma toile je tisse. 9h moins le quart, la tonne est à la gare. Les cash-monnaies sont là et ne font pas de Trafalgar. Nous on est là, on se prend pas pour des stars. Tout ce qu'on kiffe c'est juste la putain de fonce des. Vas-y Lulu, fais tourner ta fucking JP. Ça y est, je suis bien ambiancé. J'ouvre mes yeux, je me trouve en 3D. Oh putain, je suis vraiment téléporté. Mort, strike, je passe à l'attaque, tac. Et je commence ma gratte auprès des grognasses. Mais qui vois-je? Mon pote Edgar, entouré de 2, 5 et 6 gars. Et je tourne la tête, je vois mon OG M&M's. Et sur scène, papa entame son break. Je continue, direction le bar. Et à coup de comptoir, je vois mon ombre Miguel. Une chica au bras, un verre de tequila. Un, dos, tres et cuatro. Miguel est là, et fait une revenga. Ora le SC Awax est arrivé. Il est fonce des et part à la dérive. Un kamaz à la main et commence à tchatcher. Hey, gros, goûte-moi cette Just. Et avec ça je te dis, tu seras fouleur. Respecte les gars qui se démerdaient avec malice. Même si je devais tomber, tu vois, tant pis ça glisse. C'était le bon vieux temps, tu vois, avec malice. J'esquive les pièges, t'es une araignée, ma toile je tisse. Respecte les gars qui se démerdaient avec malice. Même si je devais tomber, tu vois, tant pis ça glisse. C'était le bon vieux temps, tu vois, avec malice. J'esquive les pièges, t'es une araignée, ma toile je tisse. 39-12, moi sur 12, entre barre de rire et coup de blues. Farsight dans book dans mon Walkman 92. De la peinture sur les doigts, mes flots pourris sur les toits. Des glottochromes dans le chrome, la comatech nettoie. Élément reconnu dangereux, ERD, un pack bois verbi, ça se passe chez moi. Pour pratiquer notre art, on s'est toujours démerdé. Il branche au rap et chez moi, la tombe fort en Andersen. La vibe old school de Fontenay-sous-Bois. 93, les premiers concerts, 15 minutes et j'ai plus de voix. À l'arraché sans balance frère, je me suis affiché plus d'une fois. Adolescence rythmée par le rap, DP, j'écris ma petite histoire. Des freestyle micro ouvert où ça se tape aux impros. Dans le square, quand Joe Turner c'était 4 murs, tu ramenais ta mixette et tes platines. Puis je t'en lâche carbure, je reste vrai comme il aime si tapine. Respecte les gars qui se démerdaient avec malice. Même si je devais tomber, tu vois, tant pis ça glisse. C'était le bon vieux temps, tu vois, avec malice. J'esquive les pièges, t'es une araignée, ma toile je tisse. Respecte les gars qui se démerdaient avec malice. Même si je devais tomber, tu vois, tant pis ça glisse. C'était le bon vieux temps, tu vois, avec malice. J'esquive les pièges, t'es une araignée, ma toile je tisse.